Dieu vivant. Oh, toi seul est le Dieu vivant. Toi seul est le Dieu vivant. Oh, tu es le libérateur. Toi seul est le Dieu vivant. Sur ton trône.